bienvenue dans cette émission des livres et des mots. Notre thème d'aujourd'hui, en accord avec le mois de février, c'est la romance. Je vous présente les chroniqueuses autour de cette table. Andrea. Bonjour. Iliane. Bonjour. Caroline. Bonjour. Zoé. Bonjour. Et moi-même, Adeline, enchantée d'être votre présentatrice pour cette émission. Nous allons commencer par donner la parole à Iliane. Merci beaucoup. Donc pour cette première chronique, je vais vous parler du roman graphique Heartstopper de Alice Osman, publié chez Hachette. Alice Osman, c'est une jeune Britannique de 27 ans qui est autrice et illustratrice de romans Young Adult. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Young Adult, c'est une classification d'ouvrages pour les jeunes entre 15 et 25 ans, à peu près. On y trouve tous les genres de livres, que ce soit du thriller, de la fantasy ou de la romance. Pour en revenir à nos moutons, son premier roman, c'est Solitaire, qu'elle publie en 2014, et elle a écrit deux novellas sur des personnages secondaires de ce roman. Elle a aussi écrit Radio Silence en 2016, I Was Born For This en 2018. Elle écrit ensuite la saga Heartstopper qui contient pour l'instant 4 tomes et qui sont sortis respectivement en 2017, 2019, 2020 et 2021. Bah elle est déterminée. Ah bah oui. Enfin, elle a écrit le roman Loveless en 2020. C'est un bon rythme de production. Bah le Covid, tout ça. Tous ces romans ne sont pas encore traduits en France malheureusement, on en aurait bien besoin. On peut quand même retrouver les deux novellas de Solitaire qui sont Nick et Charlie et Cet Hiver, publiées chez Hachette. On a également Radio Silence ou Silence Radio chez Nathan. Et on a aussi la saga Heartstopper et Loveless qui sont publiées chez Hachette. Les pronoms de l'autrice sont elle et elle. C'est une autrice queer et ça fait du bien de voir de la diversité. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important, car dans chacun de ses romans, l'autrice parle de sujets d'actualité dont on entend trop peu parler. Beaucoup de ses romans ont des personnages LGBTQIA+. Et ses romans reflètent en partie la vie de l'autrice et les difficultés qu'elle rencontrait dans sa jeunesse en tant que personne LGBT. Dans son roman Loveless, parle également d'aromantisme et d'asexualité. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la saga Heartstopper, quand même, et surtout sur le premier tome, parce que je suis pas méchante, je vais pas vous spoiler les autres tomes, promis. C'est très gentil de ta part. Déjà, l'autrice publie des épisodes de Heartstopper en ligne sur des sites comme Tumblr ou encore Webtoon 3 fois par mois, mais que en anglais. On peut également acheter en librairie indépendante, très important, le format papier. Il y a d'ailleurs une série qui est en création sur cette saga par Netflix. Pour vous parler un peu de l'histoire, déjà ça se passe 8 mois avant le roman Solitaire pour vous situer un peu dans le temps. On va suivre Charlie Spring, qui est un lycéen dont on sait dès le début qu'il est gay. En classe, il va être mis à côté de Nicholas Nelson, dit Nick, qui a un an de plus que lui. Charlie, c'est le musicien, assez seul et très introverti. Et Nick, c'est le rugbyman très apprécié, très beau gosse. Une bonne dynamique. C'est ça. On va suivre l'évolution de leur relation au fil des mois passés ensemble. Petit à petit, leur relation va évoluer et Charlie va tomber amoureux de Nick. Forcément. C'est surprenant. Très logique. Très étrange tout ça. Mais Nick, bah, il aime les filles. Alors, pour se protéger, Charlie ne va rien dire sur ses sentiments. La tristesse. Personnellement, j'adore ce roman graphique. Je vois pas comment on peut pas l'aimer de toute façon. C'est pas possible. Déjà, les dessins sont incroyables. Genre, vraiment incroyables. Andréa, hein, toi-même, tu sais. Ah non, mais je vois pas de quoi tu parles. En plus, ça parle de sujets tellement importants. Sans vous spoiler et en faisant un gros trigger warning, on parle de bisexualité, d'homosexualité, de transidentité, de troubles compulsifs alimentaires, d'harcèlement, de coming out forcé, de biphobie et tant d'autres choses. On a aussi des personnages racisés. Que demande le peuple ? C'est une histoire d'amour pleine de rebondissements et de péripéties. On s'attache tellement au personnage, c'est tellement beau, enfin, waouh quoi. Ouais, je suis totalement fan de Heartstopper. Lisez ce roman graphique, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons rebondir avec Zoé. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Given, peut-être que vous le connaissez. Son auteur, c'est Natsuki Kizu et il est édité aux éditions Taifu Comics. C'est un yaoi, appelé aussi Boys Love, donc un manga qui raconte une histoire d'amour entre deux hommes et son équivalent féminin étant le yuri. Le manga comporte pour l'instant 6 tomes, Paris en Florence, malheureusement, et 7 tomes au Japon. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, il est sorti en décembre au Japon. Cela raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mafuyu et qui est dévasté après la mort de son petit ami qui s'est suicidé. Pas cool. Pas très joyeux. Très joyeux. Ce dernier, faisant partie d'un groupe de musique, il lui a laissé sa guitare, mais malheureusement, Mafuyu, il sait pas s'en servir. Et il a l'habitude de faire la sieste dans un coin reculé de son école. Bah, c'est sympa la sieste quand même. Oui. Et il tient dans ses bras, du coup, la fameuse guitare, qui a des cordes rouillées depuis le temps. Il va rencontrer un autre jeune homme, qui lui s'appelle Uenoyama, qui est guitariste, et qui va l'aider à changer ses cordes. À la suite de cela, Mafuyu, il va demander à Uenoyama de lui apprendre à jouer de la guitare, mais celui-ci refuse, c'est trop de responsabilité, et puis c'est un peu chiant, faut pas se mentir. C'est vrai, c'est beaucoup trop de responsabilité d'apprendre à quelqu'un à jouer de la guitare. Oui. Mais c'est un peu embêtant parce que tu dois avoir les bases. Enfin bref, il a pas envie, quoi. Mafuyu insiste beaucoup, longtemps, et Inema finit par céder. À partir de là, une amitié va commencer à naître entre les deux personnages, et au fil des tomes, bah un peu plus. Un peu plus que l'amitié. Ouais, l'amitié entre guillemets, on connaît. Ouais. Ueno-yama fait lui aussi partie d'un groupe de musique avec d'autres jeunes hommes, Haruki et Akihiko. Un jour, Mafuyu va chantonner une chanson qu'il a dans la tête et, subjugué par sa voix, Ueno-yama va lui proposer une place de chanteur dans son groupe. Le manga suit du coup l'histoire de Mafuyu et Ueno-yama. Le thème central du manga, c'est quand même la musique, parce que vraiment tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, ont au centre de leur vie la musique. Et... les personnages secondaires sont vachement cool aussi. Ils parlent d'amour, évidemment. On peut voir quelle place la musique a dans la vie de tous ces personnages. Il aborde également des sujets un peu difficiles comme le suicide ou les relations toxiques, mais il est quand même empreint de beaucoup d'amour, de beaucoup de douceur et de beaucoup d'espoir, surtout. Je l'ai découvert un peu par hasard sur les réseaux sociaux, d'abord en animé, puis j'ai acheté les livres pour savoir la suite, parce que je pouvais pas attendre. Je l'ai adoré dès le premier épisode. Le manga m'a pas du tout déçue, j'étais très contente de savoir la suite. Et la suite ne m'a pas du tout déplu non plus. Je le conseille vivement à toute personne qui aime la musique et qui veut voir de l'amour tourner autour de ça. Et aussi des obstacles qui seront surmontés et une très très belle histoire d'amour. D'accord, merci. Et pour rebondir un peu là-dessus, moi je suis très contente que tu aies un peu abordé l'animé parce que moi j'ai regardé l'animé et je trouve qu'il est très sympa, les musiques sont incroyables, le générique est génial, les personnages sont très bien rendus en animation, donc vraiment pas une déception par rapport à l'animé. Et pour info, si vous voulez trouver l'animé, pardon, il est sur Crunchyroll. Il y a aussi une mini-série qui est sortie sur ce manga. Oui, donc une recommandation générale autour de la table pour Given, génial. Nous allons faire une petite pause musicale. Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leur mot, de la bienséance. On s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. N'est pas belle, prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leur mot, de la pire séance. Viens, on s'aime. Idées de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Oh. Pour les auditeurs arrivés en cours de route, bienvenue dans l'émission des livres et des mots. Aujourd'hui, on parle de romance et c'est Caroline qui va reprendre la parole. Alors, je vais vous présenter un livre de romance paranormale parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour entre des humains et des êtres paranormaux. Il y en a vraiment beaucoup. Ça intéresse les gens, apparemment. C'est ça. Du coup, j'ai décidé de vous présenter le livre de Bess Fantasquet, Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Il est traduit de l'américain par Elsa Ganem et il est publié aux éditions Le Livre de Poche en 2011. Je vais commencer par vous présenter les deux protagonistes. Donc la première, celle dont nous suivons les pensées, est Jessica Packwood. C'est une jeune adolescente de 17 ans qui rentre en classe de terminale. Et Jessica vit avec ses parents adoptifs dans une ferme au milieu de nulle part. Mais vraiment au milieu de nulle part. Elle a été adoptée en Europe de l'Est quand elle n'était qu'un bébé, donc elle n'a aucun souvenir de sa vie avec ses vrais parents. Pour une adolescente, c'est une adolescente qui est totalement normale, qui se préoccupe des garçons, des études, et un petit peu... et qui espère avoir une vie sociale. Comme tous les adolescents, c'est la vie sociale qui est plus importante que les études. C'est ça. Donc, pour dire la vérité sur ce qui va se passer, ça risque de lui faire un sacré choc. Elle ne croit absolument pas, mais alors pas du tout, à tout ce qui est vampire et surnaturel. Quand vous dire que la vérité risque de lui faire un sacré choc. Le prince charmant de cette histoire, bien que charmant soit relatif, il s'agit donc de Lucius Vladescu, un prince vampire. Et oui, c'est littéralement un prince, arrogant et imbu lui-même, qui nous vient tout droit de Roumanie. Pour ceux qui ne le savent pas, la Roumanie est associée aux vampires à cause d'un empereur roumain, Vlad III Basarab, qui a été associé au personnage de Dracula de Bram Stoker, puisque un de ses surnoms était Draculea, qui en roumain veut dire « fils du dragon ». Du coup, ça rappelle le nom de Dracula et la Roumanie est associée aux vampires. L'anecdote est très intéressante. Bref, dans ce livre, nous connaissons les pensées de Lucius qu'à travers les lettres qu'il a écrites à son oncle. Maintenant, passons à leur rencontre qui est pour le moins étrange. Très étrange. Donc l'histoire commence le jour de la rentrée, alors que Jessica attend le bus, elle voit un homme sous un arbre de l'autre côté de la route avec un long manteau noir qui l'observe. C'est un peu bizarre. C'est pas du tout flippant. Non, pas du tout. Et comme Jessica est une personne totalement sensée et normale, elle commence à avoir peur. Sans blague. Et cette peur s'intensifie quand elle voit l'homme s'approcher d'elle. Elle croit d'ailleurs l'entendre prononcer le nom de Antanasia, qui est son nom de naissance. Une fois dans le bus, elle pense être en sécurité et s'être débarrassée de cet homme vraiment très très bizarre. Mais finalement non. Le stalker en puissance. Comment je serais partie en courant, moi. Puisque lors de son premier cours, elle se rend compte que cet homme est en réalité le nouvel élève de son lycée et de sa classe, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Génial. Il se trouve que cet étrange personnage est Lucius Vladescu, notre deuxième protagoniste. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, Jessica découvre que Lucius est un vampire, mais aussi son fiancé. Fiançailles qui ont été décidées par ses parents biologiques à sa naissance. Et pour terminer en beauté, Lucius s'installe chez eux. Oh, le destin, merci. Merci Karma, on t'aime. Tout au long de l'histoire, les personnages apprennent donc à se connaître, se font la guerre, beaucoup, se séduisent, surtout Lucius. Et bien sûr, comme l'amour n'est jamais loin, il faut rester sur ses gardes. Je ne vous en dis pas plus, bien évidemment. Il faudra lire le livre pour savoir comment se termine cette histoire. En sachant bien sûr qu'il y a un deuxième tome qui s'appelle « Comment sauver un vampire amoureux ». C'est un livre qui est accessible dès le collège, mais selon moi, on peut encore le lire une fois adulte. Je le conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment les comédies romantiques, car ce livre est vraiment très drôle. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Ça a l'air très intéressant, un effet très marrant aussi. Moi, je vais enchaîner sur ta chronique, mais en parlant d'un truc différent. Donc, pas de surnaturel chez moi. Moi, je vais vous parler de « Et ils meurent tous les deux à la fin » d'Adam Silvera. J'ai une petite question pour commencer. Comment vous réagiriez si vous appreniez que vous alliez mourir dans les prochaines 24 heures ? Bah, ça me ferait pas plaisir. Vraiment pas. Je ferais tout ce qui me passe par la tête. Oui, voilà. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Parce que les deux protagonistes de ce livre, Matteo et Rufus, eux, ils vont décider de télécharger une application qui est appelée Dernière Amie, qui va les géolocaliser et les met en contact avec d'autres personnes qui vont mourir dans les prochaines 24 heures. Au moins, ils ne vont pas se sentir tout seuls. Cette histoire, elle va alterner les points de vue des deux adolescents qui vont passer leur dernière journée ensemble pour apprendre à se connaître mutuellement et vivre des premières et dernières expériences. Pour vous présenter rapidement Rufus et Matteo, le premier est un orphelin sûr de lui, tête brûlée et délinquant, tandis que l'autre est un geek peureux et solitaire qui a opté pour une vie tranquille en attendant que son père se réveille de son coma. Moi, j'ai trouvé que leur relation, elle était vraiment particulière, très respectueuse entre les deux, très complice et vraiment unique. C'est une dynamique très intéressante, surtout entre deux personnages opposés. Donc, tout en étant complètement différents, les deux adolescents se complètent à merveille et ont beaucoup de points communs. Ils vont beaucoup apporter l'un à l'autre. Ensemble, ils vont braver leurs craintes et révéler leur passé, touchant ainsi le lecteur de plein fouet. J'avoue qu'on pleure plusieurs fois, mais bon. Je ne pensais pas découvrir deux personnages aussi complémentaires et émouvants. Ils sont totalement opposés, comme je l'ai déjà dit, mais ils vont développer une dynamique intéressante à suivre et nous faire réfléchir sur beaucoup de thématiques, comme l'acceptation de soi, parce que les deux personnages sont aussi de la communauté LGBT, mais aussi la mort, les liens que l'on tisse, la famille, l'amitié et l'amour sous toutes ses formes, qui sont des messages forts et touchants développés par Adam Silvera, qui est l'auteur. La narration, elle va papillonner de temps à autre vers d'autres citoyens afin de percevoir leur point de vue sur les deux héros ou sur la vie en général. Et nous, ça nous donne la sensation que pendant que les personnages principaux vivent leurs derniers instants, la vie, elle va continuer. Et je trouve que c'est un message très important. La mort, elle est triste, certes, mais la vie, elle continue et je pense qu'après avoir fait son deuil, il ne faut pas s'arrêter à cause de l'absence permanente d'un être aimé, mais continuer à vivre car chacun trace son propre chemin indépendamment des autres. Pour parler un peu de l'histoire en général, le style il est assez agréable à lire, il y a un langage jeune qui est utilisé, les chapitres sont courts et il y a l'apparition de multiples points de vue qui est bien indiqué, ça aide aussi à rythmer l'histoire. Le récit il va durer 15 jours évidemment, et les événements prennent du temps à être racontés, mais ça nous permet de suivre Matteo et Rufus et de nous attacher à eux. En bref, ce récit c'est un condensé d'émotions et j'ai été ravie de le découvrir, ça m'a bouleversée. Je vous le recommande fortement si vous voulez un roman sans suspense, car on sait ce qui arrive, mais qui va nous faire réfléchir sur notre condition d'être mortel et de ce qui est important dans la vie. Évidemment, on sait qu'ils meurent tous les deux à la fin, mais la beauté de l'histoire réside dans ce qu'il leur reste à vivre. Très belle histoire. Donc certes, ça peut faire pleurer et c'est triste, mais c'est quand même une très belle histoire qui est bien développée et qui nous fait réfléchir. Voilà pour moi, nous allons diffuser une pause musicale. It's been so wide in the silence. And if you believe, in my little world, so far away. We'll be right back. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Vous êtes sur Radio Fadjet et vous écoutez l'émission des livres et des mots où nous parlons de romance. Maintenant, on va passer à Andrea. Eh oui, du coup, le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Tout va bien de Nina Lacour ou We Are Okay dans son titre original en anglais. Et il est publié aux éditions Hugo Jeunesse. Avant, je vais vous parler un peu de Nina Lacour. Donc, c'est une romancière américaine qui est également professeure d'anglais dans un lycée. Elle se spécialise dans la littérature LGBT, faisant elle-même partie de la communauté, et elle a déjà écrit 6 livres. Tout va bien a d'ailleurs remporté le Prince Awards en 2017, l'année de sa sortie aux États-Unis. Le Prince Awards, c'est un prix littéraire américain donc, qui récompense le meilleur roman young adult, et ce, chaque année. Donc, Nina Lacour, même si elle n'est pas forcément connue en France, elle a quand même une certaine influence aux États-Unis. Si vous venez de nous rejoindre, le young adult, c'est un genre littéraire qui se caractérise plutôt par son public cible, qui est entre 15 et 25 ans, mais ça peut aller après ou avant, on ne juge pas, et qui va aller emprunter un peu à tous les autres genres. Forcément, j'ai trouvé ce livre dans le rayon LGBT, du coup, mais aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas de rayon comme ça. Malheureusement. Voilà, malheureusement, je trouve ça vraiment dommage. Donc, si jamais vous êtes libraire, rayon LGBT, s'il vous plaît, un peu de représentation pour les plus jeunes, ça n'a jamais fait de mal à personne, et ça aide à se sentir inclus. Voilà, c'est tout, merci. Alors, tout va bien, c'est l'histoire de Marine, une jeune étudiante qui a quitté la Californie pour aller à New York avec rien d'autre que son argent, son téléphone et une photo de sa mère suite au décès de son grand-père. En fait, la mère de Marine est décédée quand elle avait seulement 3 ans et elle a vécu le reste de sa vie avec son grand-père, donc je peux concevoir que c'est un événement qui est quand même un peu traumatisant. Légèrement. Franchement, il n'y a pas de quoi aller au psychologue pour ça. C'est juste un détail. Voilà, absolument. Seulement voilà, Marine, elle avait quand même une vie en Californie, des amis et tout, et elle est vraiment partie sans prévenir personne, et c'est des amis de son grand-père qui ont récupéré les affaires parce qu'il n'y avait plus personne dans leur appartement du coup. Parmi les amis que Marine a décidé d'ignorer pendant 3 mois, il y a Mabel, sa meilleure amie, et les parents de Mabel, Anna et Javier, qui étaient tout aussi proches de Marine. Ce livre parle donc du moment où Mabel fait le trajet de Los Angeles à New York pour voir Marine, dans l'espoir de comprendre en fait pourquoi elle a tout simplement disparu sans prévenir personne. Sauf que pour Marine, c'est pas si simple, parce que de toute façon, ça l'est jamais, et elle redoute énormément les 3 jours qu'elles vont passer ensemble. Au fil du livre, on en apprend un peu plus sur les deux amis, parce qu'en fait, on fait des sauts dans le passé tous les 1 ou 2 chapitres sur 2, et même tous les 2 ou 3 chapitres. Et je pense que ça vous étonnera pas si je vous dis que Marine et Mabel, si elles étaient si proches, c'était pas juste de l'amitié. Dans le rayon LGBT, ça m'étonnerait pas. Voilà, si elles étaient proches comme ça, c'est parce qu'elles étaient amoureuses. Voilà, ça surprend pas, comme je l'ai dit. En tout cas, si c'était pas encore totalement de l'amour, ça en prenait grandement le chemin. Du coup, notre petite Marine, là, qui est partie comme ça, sans rien dire, on comprend mieux pourquoi elle redoute l'arrivée de Mabel. Évidemment, je peux pas trop vous en dire sur l'histoire du livre non plus, sinon ce serait pas drôle. Mais on a vraiment tous les types d'amour dans ce livre. Hein. On a l'amour romantique, l'amour platonique, l'amour familial. On a aussi l'amour qu'on n'arrive pas à laisser, finalement, hein, avec le deuil notamment. J'ai énormément pleuré en lisant ce livre. D'ailleurs, je blâme le deuxième livre dont je vais parler tout à l'heure pour avoir ouvert les vannes, parce qu'avant, je pleurais pas du tout devant un livre. Blague à part, je trouve ce livre merveilleusement bien écrit. Après, je ne l'ai pas lu en français, donc je ne sais pas ce que donne la traduction, mais à mon avis, elle doit être très bien aussi. On remet beaucoup de choses en question en lisant ce livre, y compris soi-même. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait, et on se rend compte que ça ne sert à rien de prendre pour acquis ce qu'on a, que tout est fragile et beau à la fois, c'est une leçon de vie. Et franchement, même si la romance, c'est pas votre truc, pour le coup, je vous conseille ce livre parce qu'il est beau et je pense qu'on a besoin un peu de la douceur que Nina peut nous offrir par le biais de Tout va bien. Il a l'air magnifique comme livre. Moi, j'ai une petite question au niveau de l'anglais. Il est comment ? Bah, c'est de l'anglais américain, faut quand même un peu le gérer, mais c'est pas non plus très compliqué. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette chronique, Andrea. On va maintenant passer à Iléane. Pour cette seconde chronique, je vais vous parler de Nos âmes tourmentées de Morgan Moncombe, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Ça fait totalement écho avec Andrea. J'ai déjà parlé de ce roman plein de fois, donc je vais continuer ma propagande. Morgan Moncombe, c'est une jeune autrice française de 26 ans qui écrit depuis ses 12 ans. Elle publie son premier roman en 2017, C'est Viens, on s'aime. En 2018, elle obtient le prix de la meilleure new romance française pour Aime-moi, je te fuis, qui est le roman compagnon de Viens, on s'aime. Elle écrit ensuite 2 petits romans en auto-édition, et depuis, elle sort environ 1 livre par an. Donc depuis 2019, on a Nos âmes tourmentées, Falling Again en 2020, En écrit libre en 2021 et L'as de cœur en 2021 également. Elle est d'ailleurs en train de préparer son prochain roman. C'est aussi un roman compagnon de L'As de cœur prévu pour septembre 2022. J'attends avec impatience. Elle a un bon rythme d'écriture, ça va, elle s'en sort bien. Ouais, c'est soutenu. Ouais, elle écrit vite. Donc moi, j'ai connu l'autrice avec Viens, on s'aime, son tout premier roman, et depuis, je ne la lâche pas. Clairement, j'adore ce qu'elle écrit et je lis tous ses livres. Aujourd'hui, j'ai quand même me concentrer sur Nos âmes tourmentées, qui n'est pas mon livre préféré de l'autrice, mais clairement, je l'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre Azalée, qui revient dans sa ville natale de Charleston, suite à la mort de sa mère. Elle est partie de chez elle pour échapper à ses souvenirs. Elle espère rester à Charleston le moins de temps possible, seulement pour vendre la maison. Mais quand Azalée va rencontrer son nouveau voisin, Eden, ses résolutions vont vite être chamboulées. On se demande pourquoi. C'est bizarre, hein? Est-ce qu'elle va se laisser être heureuse avec son voisin, sachant que pour ça, il faudrait qu'elle reste à Charleston? Ce livre, c'est une petite pépite qui va vous faire passer par toutes les émotions possibles. Je tiens à préciser quelque chose. Il y a énormément de trigger warnings avec des sujets qui peuvent vous heurter si vous n'êtes pas préparé ou prévenu de ça. Même si, au début du livre, l'autrice a fait une page de prévention, je trouve qu'il est important d'en parler. Je leur dis trigger warning, attention, on parle de viol, de maltraitance sur enfant, de tentative de suicide, dépression et encore d'autres choses. Donc lisez vraiment la page d'avertissement avant d'acheter le livre pour être sûr de ce que vous lisez. Tout est traité avec justesse et c'est très bien fait. Je vous le conseille vraiment même s'il est très dur. Il fait passer par beaucoup de sentiments puissants et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Voilà, c'est tout pour moi. D'accord, c'est sûr que c'est pas si facile de parler de sujets durs, mais si c'est traité avec justesse, c'est bien. Ouais, puis les petites pages là de trigger warning au début, c'est pas tous les auteurs qui font ça. Hein. Non, c'est vraiment elle qui a fait ça, page à elle, de trigger warning. C'est pas la maison d'édition qui a fait ça et je trouve ça très très bien qu'elle mette en garde sur ce qu'il y a dedans. Parce que j'étais pas préparée quand j'ai acheté le livre et quand j'ai vu la page, j'ai fait « Ok, je pose ça 5 minutes et on revient après ». C'est très bien parce que plus d'auteurs devraient suivre son exemple, enfin c'est mon opinion. Bah, les maisons d'audition aussi d'ailleurs. Bah, merci beaucoup pour cette chronique, nous allons faire une pause musicale. Vous écoutez l'émission des livres et des mots sur Radio Fadjet, à tout de suite. Bienvenue sur l'émission des livres et des mots où on parle de romance aujourd'hui. On va maintenant passer à Zoé. Alors, moi, je vais vous présenter un roman qui s'appelle Le Prince au bois dormant. Alors, vous avez peut-être reconnu le titre, hein, c'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant. C'est le premier tome d'une série de livres appelés Les Contes des Royaumes Oubliés. Son auteur s'appelle Isabelle Lesteplume et il est édité aux éditions MXM Bookmark. C'est une auteure française, c'est bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant, mais avec plus de mystère, plus de magie et des personnages plus intéressants. Enfin, en tout cas, ils ont plus de profondeur. C'est l'histoire d'un chevalier appelé Eric, qui est en quête d'aventure. Il veut combattre des méchants, des dragons, tout ça. Et il finit par trouver une quête, celle du prince au bois dormant. Et il décide du coup de partir pour le délivrer de sa malédiction, qui est donc le sommeil. Ah, il est trop sympa, Eric. Ouais. En chemin, il va rencontrer plusieurs personnages qui vont l'aider dans sa quête, et notamment un magicien bien cynique, appelé Neil, avec qui il va conclure un marché un peu malgré lui. Ils s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. On y retrouve à peu près, je pense, hein, tous les personnages du conte original et également des nouveaux qui sont bien attachants. J'aime énormément ce roman parce que, d'une part, j'adore les contes, hein, et cette réécriture, elle est vraiment, je trouve, bien faite. Les personnages sont beaucoup plus profonds, on va vraiment au fond des choses, ils ont un bon caractère et bien défini, du coup, tu les reconnais très bien. Les deux personnages principaux, Eric et Neil, sont diamétralement opposés. Eric, il est un peu naïf et il a un faible pour la beauté, et Neil, c'est tout le contraire. J'aime bien les personnages opposés comme ça. Ça fait une dynamique très intéressante. Un peu comme dans « Ils meurent tous les deux à la fin, finalement ». Exactement. Et c'est vrai que c'est vachement bien parce que comme ça, ils se complètent. Ce qui les mène à des interactions extrêmement intéressantes. Et des échanges aussi, avec des divergences d'opinions notamment. Le côté également positif de ce livre, le truc que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, il y a une mini-histoire de 5 chapitres qui reprend le conte des Mille et une Nuits avec un personnage secondaire qui est mis en avant. Et ça... c'est génial. Si vous aimez vraiment les contes et que vous voulez lire une histoire à la fois familière dans laquelle vous retrouverez des codes que vous connaissez et à la fois différente de par les personnages, les mystères et aussi parfois les thèmes qui sont abordés et qui sont pas forcément très joyeux. Et puis bon, faut pas se mentir, ça fait de très belles histoires d'amour surtout. Une fin bien joyeuse, bah, c'est un très beau conte. Et ben, du coup, ce livre est fait pour vous, donc foncez, lisez-le, n'hésitez pas. Bah, merci beaucoup pour cette chronique. Moi, je vais rebondir aussi dessus avec de la fantasy, avec un livre qui s'appelle The Shadow Between Us, ou La Reine des Ombres en français. Mais comme il n'a pas encore été traduit, je vais utiliser le titre anglais The Shadow Between Us de Tricia Liebenseller. Pour ceux qui connaissent, elle est assez connue, mais surtout en Amérique. Le plan du personnage principal, Alessandra, est plutôt simple. Première étape, courtiser le roi des ombres. Deuxième étape, l'épouser. Puis le tuer et récupérer la couronne et le royaume. C'est plutôt simple en théorie, sauf qu'en pratique, il y a toujours des imprévus, peu importe si on a 15 plans de secours, comme Alessandra. En effet, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que d'autres personnes veulent le trône, donc elle se retrouve à défendre le roi, Kalias, pour qu'elle puisse le tuer elle-même au bon moment. Ce sera ma couronne. C'est super ironique quand même, tu protèges quelqu'un que tu veux tuer. En fait. C'est ça. Et puisque ce n'est pas assez compliqué de devoir protéger celui qu'elle veut tuer, Alessandra va finir par développer des sentiments pour sa future victime, qui est mystérieux, ténébreux, beau gosse. Bref, il a tout pour lui. Bien évidemment. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très pratique pour passer à l'acte. Si tu tombes amoureux de quelqu'un que tu veux tuer à la fin, tu te dis « je sais pas si je vais le tuer finalement ». Je suis pas sûre d'avoir envie en fait. Bon, même s'il est en langue originale, pour l'instant, l'histoire reste très abordable et le vocabulaire n'est pas compliqué à comprendre. Si vous parlez quand même un peu anglais, allez-y sans hésiter. Mais si vous avez vraiment du mal, une traduction française nommée La Reine des Ombres sort le 3 mars de cette année chez Hugo Roman dans la collection Stardust, donc n'hésitez pas et foncez l'acheter. Il est vraiment génial. Pour vous donner un peu plus d'arguments, parce que là je sors juste sur le résumé, je peux vous dire que moi j'ai dévoré ce roman. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu d'intrigue à la cour, et ça a été le roman parfait pour me remettre dans le bain. On ne s'ennuie jamais, les actions s'enchaînent, on est subjugué par l'ingéniosité d'Alessandra et tout le petit monde qu'elle mène à la baguette. Parce que Alessandra, c'est une anti-héroïne très intéressante. Elle possède un caractère fort, elle n'a pas froid aux yeux, elle considère toutes les personnes de la même façon. Et elle a pas peur de dénoncer ceux qui vont mal se comporter ou qui vont la mépriser. Parce que, évidemment, elle, vu que c'est une fille de duchesse, et comme elle est à la cour, certaines personnes vont se dire « Oh, c'est presque une paysanne !» Alors que pas du tout. Elle manigance des plans pour ses amis, ainsi que pour elle-même, sans jamais s'en mêler dans ses mensonges. Et moi, je l'admire pour ça, aussi pour d'autres qualités qu'elle a, parce qu'elle en a 10 000 des mensonges, et elle arrive toujours à s'en sortir. Elle arrive même à inventer de nouveaux plans si le dernier a échoué, donc elle s'en sort vraiment bien. Le héros masculin m'a aussi beaucoup plu. En effet, pour une fois dans une romance, Callias n'est pas trop ténébreux, ni trop torturé, et la relation n'est pas toxique. Il est égal à lui-même et honnête, et moi je l'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment adoré l'évolution de leur relation, et aussi le fait qu'il y ait des complots politiques dans lesquels ils sont impliqués. C'était vraiment très sympa. Ça m'a beaucoup plu. Enfin bref. Je vous recommande fortement ce livre si vous cherchez une histoire d'intrigue à la cour qui se concentre sur une relation entre deux protagonistes complexes et intrigants avec une écriture fluide et un univers sympathique. Voilà pour moi. Avant qu'on ne reparte sur la romance, je vous propose de faire une petite pause musicale. Merci de nous écouter et à tout de suite sur Radio Fadjet. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye casts no shadow. Your red eye sees no blame. Your slaps don't stick, your kicks don't hit. So we remain the same. Blood sticks, sweat drips. Break the lock if it don't fit. A kick in the teeth is good for some. A kiss with a fist is better. Bienvenue dans l'émission des livres et des mots où on parle de romance. On va repasser à Andrea. Eh oui, c'est mon retour, mon comeback. Avec du fantastique aussi, je crois. Oui, c'est ça, de la fantasy. Du coup, le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est La Sirène de Kiera Kass, qui est publié aux éditions R Jeunes Adultes. Avant de parler du livre et de son histoire, je vais parler un peu de l'autrice. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et de toute façon, même si ça vous dérange, je vais le faire. Du coup, Kiera Kass, c'est une autrice, on s'en serait douté, qui est originaire de Caroline du Sud aux États-Unis. Elle est notamment connue pour la saga de La Sélection, que j'ai lue et adorée. Cette saga, elle a 3 livres principaux, 2 hors-série et une suite en 2 livres, ce qui fait 7 en tout. Ça a eu beaucoup de succès, du coup. Oui, pas mal quand même. En plus de La Sirène, elle fait en ce moment la saga de La Fiancée. Il y a pour l'instant 2 livres de sortie, donc vous l'aurez compris, elle écrit beaucoup. Elle a été nominée au Goodreads Choice Awards du meilleur livre de fantasy et de science-fiction pour jeunes adultes. C'est un prix littéraire aux États-Unis, donc même si en France on peut voir un peu vite fait qui c'est, là-bas elle a de l'influence. D'ailleurs, avant que j'oublie, je le rappelle, c'est du young adult et elle est spécialisée dans la littérature d'enfance et de jeunesse, ce qui explique qu'elle écrive essentiellement du young adult. Le young adult, on le rappelle encore une fois, c'est un genre littéraire qui vise les gens entre 15 et 25 ans à peu près, donc les adolescents et les jeunes adultes souvent parce que le personnage principal a à peu près cet âge. Mais il va un peu chercher dans tous les autres genres, donc il est vraiment défini par son public. Donc, le contenu du livre maintenant. La Sirène raconte l'histoire de Kalen, ou Kaline, je sais pas comment on prononce son nom, je suis désolée. Une sirène, c'est pas vraiment un spoiler de vous dire ça, qui suit les ordres de l'océan avec un O majuscule, s'il vous plaît. Sans trop vous expliquer le pourquoi du comment, parce que sinon c'est pas drôle, c'est l'océan qui a sauvé en quelque sorte Kallen de la noyade en faisant d'elle une sirène, et elle se comporte un peu comme une mère ou une grande sœur pour toutes les sirènes. Donc voilà, Kallen c'est une sirène, et elle vit avec d'autres sirènes sur la terre ferme, et elle vit comme si c'était des étudiantes normales. Sauf que c'est pas si simple que ça, encore une fois, sinon c'est pas drôle. Elles peuvent pas parler aux humains qui les entourent, même aux humains de manière générale en fait, sinon ils se retrouvent hypnotisés et ils vont se noyer en mer. Ah d'accord, et du coup ça me fait un peu penser à la série H2O, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est sauf ça. Que la réelle, elles étaient pas obligées de noyer des gens pour survivre. Oui. Bah du coup c'est sympa non? Parce que oui quand même le but au final c'est de nourrir l'océan. Alors non ça fait plaisir à personne mais ça fait partie du jeu. C'est le prix à payer pour être sauvée de la noyade finalement. Mais bon les sirènes elles peuvent quand même converser entre elles. Et oui j'utilise des jolis mots je sais. Et avec l'océan donc elles peuvent quand même parler avec des gens, ça va. Ouais ça va, elles sont pas isolées, c'est pas le confinement. Bien vu, bien vu. Du coup Kallen elle est là, elle vit tranquille sa petite vie d'étudiante muette introvertie. Quand un jour elle rencontre Akinli. Bon, en toute honnêteté, c'est lui qui est venu lui parler alors qu'elle demandait rien à personne, mais chut, voilà, on n'en parle pas. Du coup, ils discutent un peu, enfin, ils parlent et elle écrit ce qu'elle veut répondre. Et il s'avère, en fait, Akinli, il en a un peu rien à faire que Kallen soit muette parce que, bah voilà, il l'aime bien et il veut continuer à la voir. À partir de là, vous connaissez l'histoire, hein, ils s'échangent leurs numéros, ils parlent tout le temps ensemble et très vite, ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Cependant, voilà, je vous rappelle que Kallen, c'est une sirène, alors vive une histoire d'amour alors qu'elle est censée se vouer corps et âme à l'océan et qu'elle a du mal à supporter le poids des gens qu'elle a envoyés prendre un bain éternel, c'est un peu chaud pour elle. Sans en dire trop, parce que je conseille vraiment de lire le livre, je peux vous dire qu'ils étaient tous les deux voués à ne pas vivre ensemble, pas être ensemble, mais justement, la force de l'amour, c'est qu'il transcende tout. Une vraie tragédie grecque. Avec les sirènes, en plus, ça va bien. Oui, mais dans leur cas, quand même, c'était bien dangereux. Hein. La première fois que j'ai lu ce livre, c'était il y a une ou deux paires d'années, et c'est du coup, là, la première fois que j'ai pleuré en lisant un livre. D'ailleurs, c'est très peu pratique parce que du coup, il faut s'arrêter pour pouvoir revoir les mots. C'est embêtant quand on est plongé dans l'histoire. Quand on a des lunettes, ça tombe sur les verres. Enfin bref, c'est embêtant. Bon, après, c'est de la romance pure et dure, évidemment. Même s'il y a un bagage émotionnel assez lourd et un peu d'action, l'histoire de base, c'est quand même de l'amour. Donc si la romance, c'est pas votre truc, évidemment, je vais pas vous forcer à le lire. Hein. Mais personnellement, je suis pas non plus friande de romance, mais ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous connaissez pas trop le young adulte et que vous voulez commencer avec quelque chose de relativement léger, une belle histoire d'amour comme celle de la sirène, c'est un bon livre pour commencer. D'accord, bah merci beaucoup. Nous allons finir cette émission avec une dernière chronique, celle de Caroline. Oui, alors je vais revenir en France avec un livre de Clarisse Sabar, qui est une autrice française. Son premier livre, Les Lettres de Rose, donc celui que je vais vous présenter ici, il est publié aux éditions Charleston en 2017 et il reçoit le prix du livre romantique la même année. Dans cette histoire, il y a deux temporalités. La première, celle de l'histoire principale. Donc elle se déroule en 2015 et nous suivons l'histoire de Lola, une jeune fille de 28 ans qui a été adoptée à l'âge de 3 mois. Elle travaille dans la sandwicherie Salonté de sa famille adoptive en attendant de réaliser son rêve qui est de devenir libraire. Un jour, elle reçoit un appel d'un notaire qui lui annonce la mort de Rose Garnier, sa grand-mère biologique. Avant ça, elle n'avait jamais rien su de sa famille biologique. Sa famille adoptive ne lui en avait jamais parlé. Sympa! Voilà, donc il se trouve que Rose avait inscrit Lola dans son testament et lui lègue une partie de ses biens. Donc Lola se retrouve obligée de quitter Paris pour aller dans sa ville natale, un petit village du nom de Aubéry. Là-bas, elle découvre qu'elle a en réalité un cousin, Vincent Garnier, qui n'est pas du tout ravi de sa présence ici. Ah bah sympa. En effet, parce qu'il ne connaissait pas son existence avant la mort de sa grand-mère et qu'en plus, c'est elle qui reçoit la plus grosse partie de l'héritage. Donc la grand-mère, elle a un peu caché des secrets à tout le monde. C'est ça. Dans son testament, sa grand-mère a laissé une lettre qui l'encourage à découvrir la vérité sur son adoption, mais également sur les secrets de la famille, à travers un jeu de pistes avec des indices qu'elle a cachés dans toute la maison qu'elle lui lègue. Ouais, un petit escagame version famille, quoi. Voilà, donc même morte, elle lui dit pas sa vraie vie. Du coup, ça va être le début de toute une aventure pour Lola, qui va être aidée, entre autres, de Frédéric Chalut, qui est le notaire, et qui est très gentil d'ailleurs. À peu près la seule personne dans le village qui est heureux de faire sa connaissance, parce qu'elle n'est pas très bien accueillie. Et il y a également son meilleur ami, Tristan, qui va l'aider. Et comme c'est une histoire d'amour, il nous faut un prince charmant, et il s'agit ici du beau Jim, qu'elle rencontre dans le village. La deuxième temporalité de l'histoire, elle commence en 1910. Il s'agit de l'histoire de son arrière-grand-mère, Louise, qui sera ensuite suivie de l'histoire de sa grand-mère, Rose. Les deux histoires se mélangent de telle sorte qu'on en découvre un peu plus sur l'histoire de Louise et celle de Rose au fur et à mesure que Lola découvre les indices qui sont dans la maison. Donc ce sont des pages de journaux, des pages de journal intime, parce que oui, Rose a écrit un journal intime, mais elle a déchiré en plusieurs pages. Oh mais décidément, faut rajouter à l'énigme, hein. Voilà, du coup, elle voulait pas que ce soit trop facile, hein. Donc en plus de découvrir leur vie, on découvre également leur histoire d'amour à l'époque. Je vous rassure, il est très facile de se repérer chronologiquement dans ce livre, puisque quand on change de personnage ou d'époque, c'est indiqué au début des chapitres. Donc au début, on va avoir Lola 2015, et quand on va passer à un autre chapitre, on va avoir Louise 1910, par exemple. Donc c'est très facile de se repérer, de comprendre la temporalité de l'histoire. Alors pour finir, je dirais que c'est vraiment une histoire qui est touchante et marquante, puisque c'est une quête d'identité. Elle cherche à savoir qui elle est vraiment et à comprendre son passé pour pouvoir avancer dans sa vie. Il s'agit aussi d'histoires d'amour qui se déroulent dans différentes époques. Les histoires sont vraiment différentes puisque les mentalités n'étaient pas les mêmes dans toutes les époques. Notamment au moment de la première histoire d'amour qui est suite à la Première Guerre mondiale. Du coup, c'est avec les traumatismes, donc c'est un peu compliqué, mais c'est une très belle histoire. Et ça donne vraiment une touche particulière à ce livre puisqu'il s'agit d'un mélange de passé et de présent. C'est donc un livre qui peut plaire à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. C'était la dernière chronique. Pour rebondir un peu sur le thème de cette émission, perso, je suis pas trop romance, mais je trouve qu'on a choisi des livres vraiment sympas. Donc la romance, c'est pas forcément le thème principal de tous les livres, mais même si elle l'est, ça parle d'autres choses aussi. Ça peut faire réfléchir sur d'autres sujets. Et pour ceux qui nous écoutent, vous avez une sélection de livres de romance plutôt diverses et variées. Eh oui, il y en a pour tout le monde pour le coup. Nous allons conclure cette émission avec une dernière pause musicale et je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. When the curtains close and all of the lights go down, safe to say I'll stay, I will always stick around. And I will fix your crown. And if you knocked on your rock, I won't stop, you will never be in doubt. I'm loud. Like damn, we got history. Shared every misery, lived every victory. Yeah, we got synergy. If they hurt you, they hurting me. That's just the way it be. We walk through the fire, and as the flames got higher, it made us survivors. Yeah, it made us fighters, fighters. So here's my vibe. Power to do anything, anything. And every time they break us down, we bounce back every track, hit you back so you never be in doubt. Damn, we got history, and all these sweet melodies. Lived every victory, and we got synergy. If they hurt you, they hurt me. Yeah, that's just the way it be. We walk through the fire. So here's my...